Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 73. Des hommes avec qui il ne convient pas de faire des liaisons d'amitié. Si tu as un ami qui soit capable de nuire, il faut, mon fils, renoncer à toute liaison avec lui. Ne regarde point comme un ami celui qui divulgue tes défauts, n'aie point de société avec un tel homme. Ne contracte jamais aucune amitié avec un buveur, éloigne-toi de cette sorte de gens. Tant que tu vivras, tiens-toi bien loin du riche qui refuse de satisfaire aux préceptes de l'aumône. Mon fils, garde-toi de la société des hommes qui s'enrichissent par les monopoles, car le Dieu dont la lumière remplit l'univers, les a en horreur. Éloigne-toi de celui qui ne te recherche que pour tirer un sordide lucre de ton amitié, fuis loin de lui, de quelque prévenance qu'il use à ton égard. Garde-toi de saluer celui qui prête son argent à usure. On peut appliquer à un tel homme ces vers de Saadi. On ne peut pas dire qu'un tel animal ressemble à un homme, si ce n'est par la casaque, le turban et la figure extérieure. Examine bien tout ce qu'il possède et tout ce qui compose le domaine de son existence, tu n'y trouveras rien dont on puisse disposer sans scrupule, si ce n'est le sang qui coule dans ses veines, c'est-à-dire qu'on peut le tuer sans scrupule. Gulistan, livre 3. Chapitre 74. Avoir soin des orphelins, avis divers. Visite les malades, approche-toi de l'oreiller sur lequel ils reposent, cette pratique était celle du meilleur des mortels, c'est-à-dire, de Mahomet. Ne néglige aucune occasion de désaltérer ceux qui ont soif, sois toujours prêt à servir ceux avec lesquels tu te trouves en société. Efforce-toi de connaître les besoins des orphelins, afin que Dieu te soit toujours propice. L'orphelin vient-il à pousser des cris, le trône de Dieu en est aussitôt ébranlé. L'ange Malik livrera aux flammes de l'enfer celui qui excite les cris de l'orphelin. Quiconque rit des malheurs de l'orphelin, trouvera la porte du paradis fermée pour lui. Mon fils, éloigne-toi de l'homme qui révèle tes secrets, honore les vieillards, tandis que tu es jeune, afin que tu sois honoré un jour et respecté des autres. Si tu fais l'aumône aux infirmes, tu fais une bonne œuvre, car c'est là une des actions des vrais amis de Dieu. Garde-toi de manger, lorsque tu es déjà rassasié, de peur que ton cœur ne soit étouffé au milieu de toi. Les maladies de l'homme viennent de l'intempérance dans l'usage des aliments, les excès de table sont une semence de toutes sortes d'infirmités. L'homme envieux et d'un mauvais naturel ne goûte point de repos, le menteur, livré à son malheureux sort, ignore ce que c'est que la bonne foi. Sois l'ennemi de tout hypocrite. N'aie aucune société avec un tel homme, et ne participe point à ses œuvres. La pénitence d'un homme méchant par caractère ne saurait être solide, l'honnêteté se trouve rarement chez les avares. Si tu veux que ta piété soit pure comme une eau fraîche et limpide, aie soin de ne jamais user que des aliments permis par la foi, celui qui recherche des mets défendus, donne la mort à son cœur et le fait périr sans ressources. Chapitre 75. Observez les devoirs qu'imposent les liaisons du sang, et visitez ses parents. Visite tes parents, et informe-toi de leur santé, si tu veux jouir d'une longue vie, celui qui détourne son visage de ses proches, abrégera certainement ses jours. Quiconque abandonne ses parents, veut que son corps devienne la proie des scorpions. Quand même tes parents seraient du nombre des méchants, Sois convaincu qu'il n'y a rien de pire que de rompre les liens de l'amour naturel. Celui qui vit comme étranger à sa famille se rendra la fable de tout le monde par son mauvais caractère. Il y a dans le texte un jeu de mots entre proche et scorpion. Par les scorpions, on peut entendre les démons, ou bien cela veut dire qu'un tel homme deviendra victime de la malice de ses ennemis. Chapitre 76. Des qualités de l'homme de bien. Quelles sont, ô mon fils, les qualités qui constituent l'homme de bien? Apprends-le avec soin. C'est premièrement de craindre Dieu dans le secret. Celui qui demande pardon et qui implore la miséricorde de Dieu avant même de s'être rendu coupable de péché, sera plus abondant en bonnes œuvres qu'en prévarication. Quiconque veut se conformer à la conduite des gens de bien, répandra ses bienfaits et ses dons sur les faibles. L'homme qui est au nombre des serviteurs de Dieu, pratique la libéralité au milieu même de l'indigence. Mon fils, entre dans la société des hommes de bien, afin que Dieu jette sur toi les regards de sa miséricorde. Quiconque porte les caractères d'un homme consacré à Dieu, ne parle point des défauts de ses ennemis. Comme le serviteur de Dieu ne désire point la perte de ses ennemis, il s'attriste aussi de ce qui est pour les autres un sujet de tristesse et de peine. Lors même qu'il souffre une multitude de vexations et d'injustices, il ne s'adresse à aucun mortel pour en demander vengeance. Celui qui a mis une fois le pied dans le sentier des hommes consacrés à Dieu, peut-il encore courir après les objets de ses passions? Mon fils, commence par renoncer à tes désirs, et alors tu entreras dans la voie du salut. Chapitre 77. De la pauvreté religieuse et de la société des derviches. Sais-tu, mon fils, ce que c'est que la pauvreté? Si tu l'ignores, je vais te l'apprendre. Un fakir, quoique dénué de tout et couvert de haillons, se conduit aux yeux des hommes comme s'il était dans l'abondance. Pressé de la faim, il parle comme s'il était rassasié, il n'a que de l'amitié pour ses ennemis. Quoiqu'il paraisse maigre, méprisable et faible, quand il s'agit d'obéir à Dieu et d'accomplir ses préceptes, il ne le cède en rien à l'homme le plus entreprenant. Comme son cœur est rempli, quoique sa main soit vide, il paraît gras et capable d'emporter la balance. Mon fils, abandonne-toi au derviche, afin que le Créateur te prenne sous sa garde. Celui qui est l'ami et le compagnon des fakirs sera admis dans le palais de l'éternité. Les Arabes disent, se montrer riche et satisfait, c'est une partie de la reconnaissance. Le scoliaste turc, de qui j'emprunte cette maxime, cite aussi ces deux vers arabes. La pauvreté est la substance, tout. Or la pauvreté, n'est qu'accident, la pauvreté est la santé, tout. Or la pauvreté, n'est que maladie. Le monde tout entier n'est qu'illusion et fausseté, la pauvreté seule, de tout le monde, est un bien excellent et une richesse réelle. Chapitre 78. Nécessité de sortir de son indolence. Ne te laisse point aller à la négligence et à l'oubli de Dieu, ne marche pas inconsidérément dans une voie vaine et trompeuse. Ce monde est le lieu des larmes, ne t'y livre donc point à la joie, que tes yeux s'ouvrent pour répandre des pleurs, et que tes lèvres soient fermées au rire. Ne cours pas de côté et d'autre, comme la fourmi, pour satisfaire ta cupidité, ouvre les oreilles de ton âme au conseil d'un sage moniteur. Mon fils, tu n'es pas un enfant pour te livrer au jeu, garde-toi d'agir de concert avec Satan. Net point, dans ses penchants criminels, ton âme portée au mal, ne perds point tes jours en t'abandonnant à une conduite corrompue. Partout où tu vois les apparences du mal, garde-toi d'y aller, dans la voie de Dieu, ne marche point au hasard comme un aveugle. Tu as un ennemi mortel, ne cesse jamais d'être en garde contre ses attaques, ne demeure pas tranquillement assis sous un toit qui n'est soutenu sur aucune colonne. Ne pousse point ton coursier dans le chemin du péché et des passions, ne te rends point le jouet de Satan. Tu as un grand voyage à faire, munis-toi des provisions nécessaires, n'envisage toute la durée de ta vie que comme un souffle. Mon fils, pense à ces chaînes qui attendent les pécheurs, écrase ta concupiscence, et foule-la sous tes pieds. Applique-toi à cultiver la concorde et l'union, afin de n'être point brûlé par les flammes éternelles. Occupe-toi des châtiments et de la vengeance du Tout-Puissant. Puisque tous les mortels sont condamnés à passer sur l'enfer, il n'y a pas lieu à t'abandonner à la joie, au milieu d'un si grand danger. Le poète fait allusion au pont, Sirat, sur lequel doivent passer tous les hommes après leur mort. Fakir, tu as devant les yeux un feu cruel, ne crains-tu donc point les flammes de l'enfer? Tu as une montagne à passer dans ta route, et ton fardeau est pesant, tous les efforts d'autrui ne sauraient aider à le porter. Tu as devant toi le jour de la résurrection, et il n'est point de lieu qui puisse t'offrir un asile contre Dieu. Mon fils, embrasse le sentier de la loi, entre dans le chemin du renoncement à tes passions. Mon frère, que les commandements de Dieu soient la règle de ta conduite, afin que tu parviennes au jardin de la félicité et de la faveur divine. Ne détourne point le coup des préceptes de ton Dieu, afin qu'au jour de la résurrection tu ne demeures pas dans les tourments. Pour avoir place dans le jardin des délices sans fin, exerce la charité envers les créatures de Dieu. Veux-tu que l'on t'accorde une demeure dans le séjour du bonheur? Répands nuit et jour tes aumônes sur les pauvres. Si tu te réjouis de la peine du malheureux dans le cœur et dans l'affliction, tu trouveras la porte du paradis fermée pour toi. Chapitre 79. Conclusion de l'ouvrage. Celui qui observera fidèlement ses sages avis, aura part aux grâces du Très-Haut dans ce monde et dans l'autre, et quiconque négligera de les pratiquer, demeurera certainement éloigné de la vue de Dieu. Dieu puissant, daigne avoir pitié de nous tous, pardonne-nous tous nos péchés. Nous sommes impuissants, et souillés d'un grand nombre de crimes, nous n'avons point d'autre appui que toi. Soit que tu nous appelles, ou que tu nous repousses, nous sommes tes esclaves, quel que soit ton jugement, nous nous y soumettons sans murmure. Que la miséricorde de Dieu repose sur l'âme de tout homme qui lira assidûment les conseils que ce livre renferme. Ayant cru pouvoir insérer dans les notes du Panamais, divers morceaux de poésie qui ont plus ou moins de rapport avec les sujets traités par Ferid et Dinatar, je finirai par une élégie de Saadi, qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits du recueil de ses œuvres. Je l'ai tiré d'un manuscrit qui m'appartient, et si je l'insère ici, c'est uniquement à cause de sa singularité. Élégie. Ô toi qui par ta taille ressemble au pin, et par l'éclat de tes joues à la pleine lune, tu as des boucles rivales de l'ambre, des lèvres douces comme le sucre. Tu es le soleil des belles, la lune éclatante des beautés qui charment les cœurs, le sanctuaire vers lequel se tournent les hommes d'une extraction libre, ô mon idole aux joues ravissantes. Depuis que tu as inscrit la ligne d'un tendre duvet dans le cercle de ton visage, Je suis plongé dans les chagrins, mon cœur est brisé, et mon corps est en proie à une fièvre ardente. Oui, beauté qui me charme, la fièvre de ton amour s'est emparée de moi, tu as au milieu de tes lèvres le seul remède à mes ennuis. Toi que j'adore, si tu nous admets une seule nuit aux délices de ta table, je ne veux d'autre friandise qu'un baiser recueilli sur tes lèvres. Nous te demandons tous de nous accorder une assemblée où nous puissions nous livrer à la joie, une assemblée où la voix des musiciens se réunisse au son de la guitare, de la flûte et du tambourin. Là, quand l'ivresse sera emparée de mes sens, je te raconterai tout ce que j'éprouve, je te dirai, qui a jamais vu sur la terre les délices du paradis. Si je meurs séparé de toi, une voix s'élèvera de toutes parts, et s'écriera, fidèle que rassemble ce lieu, priez pour un étranger. Toutes les fois qu'un Saadi voudra t'adresser la parole, à toi de fuir, si tu n'as pas renoncé à toute pudeur. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.